je pouvais revivre un jour ma vie, je rirais bien où j'ai pleuré naguère, je construirais ce que j'ai démoli, et je ferais de ce chant de misère un vagabond sans merci. Si je pouvais revivre un jour ma vie sur les débris de ma pauvre bohème, je saurais bien te dire que je t'aime, à toi pour qui je ne l'ai jamais dit. Si je pouvais revivre un jour ma vie, je fréterais quelques vaisseaux immenses pour embarquer tout ce que j'aime ici, en oubliant les gens sans importance au centre de leur oubli. Dans ce destin de voyage au long cours, toi tu serais reine de l'équipage, et nous ferions le plus grand des voyages en choisissant bien sûr le point du jour. Si je pouvais